Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle, je suis prof de français pour étrangers plus exactement. Je travaille en France dans une petite ville qui s'appelle Amboise, pas trop loin de Tours et à 200 km au sud de Paris environ. Et je travaille avec des étudiants de tous les pays du monde, tous les continents et même de tous les âges. Ça va des grands adolescents jusqu'aux personnes retraitées, mais il y a quand même plus de personnes entre 20 et 30 ans. Et j'aime beaucoup ce travail parce que ça me fait aussi voyager, pas forcément en réalité, mais voyager par les discussions que je peux avoir avec mes étudiants, c'est vraiment très agréable, très enrichissant. Et alors parfois, c'est vrai que mes étudiants veulent continuer le français après leur séjour en France et ils n'ont pas forcément la possibilité ou les moyens de prendre des cours de langue, donc ils se tournent un peu vers Internet. Et il y a beaucoup de choses sur Internet pour apprendre le français, mais quand même pas énormément de documents pour écouter des gens qui parlent. Ou souvent, s'il y en a, ce sont des documents des médias, mais c'est difficile de trouver des enregistrements où des personnes apportent des témoignages personnels sur eux, leurs expériences, leurs goûts, etc. C'est pour cela que je me suis dit, faut profiter de la modernité, ne pas rester à la préhistoire de l'enseignement du français quand même. Et j'ai décidé pour cette raison de créer un blog qui permette d'écouter des gens qui parlent en français. Alors ce blog, ça fait longtemps que j'y pense. Comme je vous ai dit, je considère que pour apprendre vraiment une langue, il faut l'écouter, écouter des gens qui parlent de façon informelle, pas seulement comme on peut entendre dans les médias une langue assez correcte ou standardisée. Et parfois, c'est vrai, dans les livres, c'est pas du tout évident de trouver des documents qui correspondent à des situations de communication normales. Ceci explique que j'ai voulu faire entendre de vraies personnes qui parlent du vrai français, avec différents accents, des accents de France, du Sud, du Nord, mais aussi des accents d'autres pays francophones, évidemment. Alors pour cela, bien sûr, pour écouter des gens, l'idéal, c'est quand même de regarder des films, mais c'est pas évident avec les films parce qu'il n'y a pas d'exercice, de commentaires, de remarques, de vocabulaire, etc. Et alors, j'ai décidé de faire ces interviews, et spécifiquement, comme j'ai dit, des interviews où les gens parlent d'eux-mêmes, parce que c'est aussi pour aider les personnes qui utilisent mon blog, vous peut-être bientôt, à comprendre des personnes et aussi, dans l'idéal, à vous faire des amis francophones. Vous vous posez peut-être la question de savoir comment je procède pour mes interviews. Alors, c'est très simple. Dès que je vois mes amis, ma famille, des connaissances, dès que je rencontre des gens qui ont des expériences intéressantes, hop, je sors mon dictaphone. Alors, bien sûr que eux, surtout les gens de ma famille, dès qu'ils me voient, ils savent que je vais sortir mon dictaphone, commencer mes enregistrements, les torturer un peu. Non, en fait, quand même, je vous rassure, il n'y a aucune torture qui est faite dans ces interviews. On ne maltraite personne pour que ces interviews soient réalisées. Voilà, donc c'est tout. En conclusion, je pourrais dire que j'espère que ce blog sera utilisé, j'espère que vous l'utiliserez et qu'il vous sera vraiment utile. Vous verrez que les documents sont amateurs, je ne suis pas du tout professionnelle de l'enregistrement, mais tout de même, elles sont 100% authentiques, ces interviews, rien n'a été inventé, tout ce qui est dit est vrai et vécu. J'espère que ça vous permettra de progresser en français et je souhaite aussi que vous y laissiez des commentaires, ça serait vraiment très bien. Et pour vous, pour avoir des réponses à vos éventuelles questions, et pour moi, pour savoir s'il y a des choses à améliorer aussi sur le blog. Donc n'hésitez pas, laissez-moi des questions, des remarques, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Ça peut être des commentaires écrits que vous laisserez, ou bien des enregistrements vocaux, puisqu'il y a un petit répondeur interactif où on peut enregistrer sa voix. Voilà, donc bon courage pour continuer à apprendre le français. Et pour finir, j'espère que je vous aiderai et que je pourrai vous être un petit peu utile. Merci et à bientôt.